suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Psychiatrie, la folie ordinaire, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a ce qui est devenu le parent plus que pauvre de la médecine et ses confinements qui ont tapé durement nos esprits et qui nous a donné envie de remonter le fil de l'histoire de la psychiatrie pour comprendre comment on en est arrivé là. Alors pour commencer, les personnages. Des infirmiers qui s'accrochent, une mère tenue à l'écart, un homme qui a perdu pied, une femme qui a démissionné, des médecins qui y croient et un psychiatre qui a hâte de la retraite. Ensuite, le décor. Des conversations, la folie de tous et de toutes, des missions qui se perdent, des portes fermées, des médicaments, des tentatives, des traitements, des contentions et des pauses cigarettes. 1, 2, 3, 4 et... Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive en pleine activité. Le destin de la psychiatrie. Vous ne l'aviez pas vu cette photo? Il y a un gamin là, je ne sais pas qui c'est là. C'est la psychiatrie de l'époque. Regardez le gamin avec. C'était l'enfant de membres du personnel qui étaient là en promenade. C'était en promenade. Oui, il y en a même deux. Non, c'était. Vous voyez qu'on en avait pas tellement peur, hein? Je crois que vous avez présenté la cafetière, non? Parce que c'est la présentation de la cafetière. Comment elle fonctionne? Bonjour, Alain, je suis patient. Après, on fait le chemin à l'envers. Au sein de l'hôpital, derrière la vitre ou en dehors des murs, guidés par la parole des patients, de leurs proches ou des soignants, on plonge dans une psychiatrie en crise, divisée et usée. Il n'aimait pas l'école, il aimait que s'amuser, il était joyeux, c'était un petit garçon joyeux, il aimait les copains, il aimait... Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Il aimait bien faire de la musique, il aimait bien faire du cirque. Voilà, il était... Il était vivant. C'était un gamin hyper vivant. Odile Lucier. Mais bon, à l'école, c'est vrai que c'était pas terrible. Mais je pensais pas à la maladie. Hein. Je pensais que ça allait pas. Je pensais que c'était la fin de l'adolescence. Je pensais que c'était non. Alors vraiment, jamais j'ai pensé à quoi que ce soit. Mais moi, j'ai pas été aidée par les psychiatres à l'hôpital, vraiment pas. J'ai pas été reçue. On m'a rien expliqué. On m'a simplement dit voilà. Vous avez un papier, là, et j'exagère pas. Vous avez un papier, il faut signer l'hospitalisation. Puis voilà, puis après on verra. Ben non, et puis il était jeune. Donc, il avait 19 ans. Moi, j'ai quelqu'un de famille qui a été à la Borde, où il avait accepté. Et on a constaté, à la Borde, qu'elle vivait sa folie. Elle était folaliée. Patrick Coupchou, journaliste. Mais on lui permettait, avec l'institution qui était créée autour d'elle, on lui permettait de pouvoir la vivre. Ce qui était totalement l'inverse quand elle était dans les institutions hôpitales psychiatriques ou autres, où là, il fallait qu'elle s'adapte à une norme. Là, non. Elle vivait sa folie. Par exemple, aujourd'hui, la déshumanisation qu'on note d'une façon terrible dans les hôpitaux psychiatriques... Eh bien, elle annonce la déshumanisation qu'il y a dans la société. Au cours de l'histoire, on le vérifie. Pinel, il libère les fous de leur chaîne à Bicêtre au moment de la Révolution française. Et puis à l'inverse, on laisse mourir 45 000 manteaux dans les asiles au moment du pétainisme et du nazisme. Ça s'est passé, je crois que c'est 6 ou 7 heures. Boum, boum, boum. Deux flics qui cassent la porte. Deux personnes du SAMU qui lui ont fait une injection et ils l'emmènent. Le Vinatier, on a l'impression de rentrer dans un grand village. Il y a une église au fond et puis après, c'est des petits bâtiments. Alors, il y en a des vieux, il y en a des neufs. Et lui, c'était dans un neuf. Et Franz Fanon, je me rappelle. Après, à l'enterrer Laura, parce qu'il n'y avait plus de place ou je ne sais pas quoi, j'ai vu en tout et pour tout une fois la psychiatre. Et lorsque je lui ai dit, voilà, madame, elle était très jeune, c'est une fille très jeune. Puis Tom, bon, ils sont quand même bien, c'est daté, hein, ils sont comme ça, dans leur pyjama d'hôpital, là, ils sont quand même bien comme ça. Hein. Ils étaient tout mous. Je lui dis, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un partenariat? Je me rappelle très bien, on peut faire un partenariat, comme ça on pourrait se parler et tout. Elle m'a dit, c'est votre fils que je vais soigner, hein, c'est pas vous. Je crois qu'avant la révolution de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Pinel, en 1793, qui a considéré les malades mentaux comme des êtres humains, puisque au fond c'est grâce à lui que le mot de malade mental a fait son entrée dans l'univers université. Pierre de Lyon, psychiatre. Il a inventé un truc qui s'appelle le traitement moral. Et donc le traitement moral, c'était, je me mets dans un bureau avec un patient et j'essaie de le convaincre, ce qu'il présente comme délire, en fait, c'est pas vrai, puisque moi, j'entends pas les voix qu'il entend. Pinel avait quand même déjà introduit une première évolution, on pourrait dire, subjectale, dans la psychiatrie, en même temps qu'il fondait la psychiatrie. Hein. Et en plus, il a eu un geste institutionnel très fort, puisqu'il a libéré les fous de leur chaîne. Et on oublie souvent de dire que c'est lui et Poussin, qui était un infirmier qui travaillait avec lui, qui a rendu possible cette première révolution psychiatrique. Hein. La deuxième, c'est Freud avec, mon avis, la subjectalisation de la névrose, c'est-à-dire, il vous arrive des choses qu'on appelle des symptômes, vous êtes très étonné que ça vous arrive. En fait, à l'intérieur de vous, il y a une instance déterminante qu'on va appeler l'inconscient et qui est le réceptacle de tout un tas de choses qui vous sont arrivées depuis que vous êtes tout petit. Et en fait, quand il vous arrive ces choses que vous trouvez étranges, c'est vous-même qui les avez produites et il faut que vous puissiez reprendre un peu les rênes de votre existence. Freud va insister beaucoup sur le fait que le sujet est responsable de sa rose, comme dit Saint-Exupéry, là encore. Hein. Et donc, ça, c'est une révolution subjectalisante très importante, parce qu'elle permet de mettre en scène quelque chose qui va être, au fond, la cure psychanalytique, hein, qui permet, ce dispositif, d'aller vers « mais qui suis-je vraiment ?». Le problème, c'est que Freud, 1910-1920, il s'occupe des névrosés occidentaux poids moyen et que, en fait, les psychotiques, les schizophrènes, les autistes, tout ça, la cure psychanalytique typique, le divan, avec le type assis derrière et qui, tous les jours de la semaine, pendant une heure, pendant 6 séances par semaine, va être en position d'être le psychanalyste pour le psychanalysant, ça marche pas du tout. Mais ça veut pas dire que la pensée psychanalytique n'est pas opérante. Et donc, il me semble qu'il faut attendre le troisième inventeur qui va permettre de faire cette troisième révolution. Et c'est Toscaïès, à mon avis, qui apporte cette révolution essentielle, la constellation transférentielle. Constellation transférentielle. Peut-être effectivement que l'oiseau, il faudrait le reprendre sur un fond en noir et blanc, enfin... Je suis arrivé ici le 6 janvier 1940, venant du camp de concentration de Sepp Fons. Moi, je me souviens surtout que l'oiseau, c'est vous, Rida, qui l'aviez fait. Ils ont un télégramme... Frances Toscaïès. ...qui dit, docteur Toscaïès, accepterez-vous un poste dans mon hôpital de Saint-Alban. La chambre d'isolement ou la contention. Il y avait tout un débat ici. J'ai regardé dans les cartes. Il fallait se mettre dans la pièce d'à côté. Il n'y avait pas ni Saint-Alban, ni à peine le Lozère. Extrait du film Les heures heureuses de Martine Derrière. Devant cette invitation comme ça de l'inconnu. Alors j'ai dit oui, oui. Alors voilà le troisième inventeur, Toscaïès. C'est vraiment le type qui répond à la question de Freud soigne les névrosés de façon très intéressante. Mais alors ça s'arrête aux portes de la psychose et tout ça. Et bien Toscaïès propose une réponse pour s'occuper des personnes qui ont ces pathologies archaïques Et on va appeler ça, Dolmaison et Quéclin vont appeler ça en 1952, la psychothérapie institutionnelle. Donc, fallait commencer comme la véritable révolution, consiste à reprendre son enfance. Ah si, parce que moi j'ai laissé dériver, vraiment quoi, je me suis enfermé dans cette idée que j'étais pas vraiment comme tout le monde, au point que c'est devenu totalement délirant, voilà. Jusqu'à tomber dans la psychose, quoi. Fred. Mes parents se rendent pas compte à quel point je vais mal, parce que je leur cache, comme à tout le monde d'ailleurs. Et puis vient le temps des milieux professionnels et tout ça, et là ça dégénère grave, quoi. Je finis moitié agent de maîtrise dans une société où j'esclavagise moi-même, une société de maintenance où j'étais responsable de tout un tas de femmes de ménage dans des hypermarchés. Et ça m'a monté à la tête, ça a été le carnage. Et le premier contact avec le soin, du coup. Je reprends connaissance, je suis à l'hôpital psychiatrique, en isolement, sous contention. Et je sais pas où je suis, je sais pas pourquoi je suis là. Et on me l'explique pas. Puis après, il a commencé à voir des objets. Il disait que les voisins envoyaient des couteaux, tout ça. Donc ça, comme je connaissais pas du tout la maladie psychique, j'ai pas pensé à ça. C'est là que l'isolement a commencé dans cet appartement. Et il a commencé à faire n'importe quoi, à faire énormément de bruit, à embêter les voisins. Il criait, ah oui, il criait beaucoup. Il a totalement défoncé son appartement. Ouais, il a eu un comportement, comment dire, comme s'il était de grande souffrance. À la fin, il dormait dans un tout petit. Il avait un appartement normal, il dormait dans un tout petit placard. Enfin, la peur, quoi. Bon, est-ce que. On pouvait plus le raisonner, on pouvait plus. Dès qu'il était tout seul, c'était la cata, quoi. Quelqu'un déboule dans la pièce, une infirmière en blouse. On me détache, on me sort de cette pièce, on m'emmène voir le psychiatre, qui me dit que je suis en soins, contre mon gré, de toute manière, et que je suis là dans un genre de période d'observation. Vous faites quoi quand vous êtes la journée? Rien, justement, c'est bien ça le drame. C'est que quand on n'était pas en isolement, on était dans des chambres où il y avait 6 lits. Et il y a même des moments où on nous faisait sortir des chambres et il nous restait juste le couloir, le fumoir, et puis un vague espace, une entrée, quoi. Et voilà, et on était 20 patients à tourner en rond là-dedans, quoi. À ce moment-là, Fred, on pose un diagnostic quand vous êtes dans cet hôpital. Vous vous en souvenez ? Ah ouais, ça je m'en souviens parce que ça a traumatisé toute ma famille, parce que justement on leur dit rien. Non seulement on leur dit rien, mais on refuse de les recevoir. Ma mère, elle a dû faire une rencontre avec moi et le psychiatre, parce qu'on a insisté, elle et moi. J'allais pas bien, j'étais incapable de tenir une conversation, j'étais très mal, quoi, physiquement. Et puis psychiquement, j'étais totalement anéanti, vidé, quoi. Y a des substances actives qui sont terribles, hein, qui sont très efficaces. C'est sûr que vous ne pensez plus, quoi. J'étais dans cet état-là. Ça lui a fait beaucoup de peine parce que j'étais plutôt quelqu'un de dynamique. Et donc, elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire pour moi. Et elle a découvert que, en France, à l'époque, il y a une histoire de sectorisation. Suivant l'endroit où on habite, on va dans tel ou tel endroit. Alors, elle a fait en sorte que je change de secteur, comme on dit. Et là, j'ai atterri dans le secteur où je suis encore aujourd'hui. Maintenant, ça s'appelle 51G04. C'est le docteur Chemla qui est le chef de pôle. Dès le lendemain, j'ai rendez-vous avec un autre psychiatre. Et on discute, comme on vient de faire, vous et moi d'ailleurs. Et puis, il y va à la cool, quoi. Il me brutalise pas. Je veux dire, il m'enlève pas mes vêtements pour me foutre en pyjama. Il me fout pas dans une cellule fermée. Et puis on se revoit 2 jours plus tard. Là, je me souviens très bien qu'on a discuté de mon traitement, parce qu'il trouvait quand même que c'était massif, et peut-être pas absolument indispensable qu'il soit aussi fort. Ça non plus, c'est pas rien. Pouvoir discuter de son traitement avec un psychiatre, je vous assure que c'est une surprise, quoi. Voilà. Ah, comme alprazolam. Yes, je dirais Solian. Anaïs, cadre de santé au centre Artaud. Alors je dirais le Zolpidem. Je suis sûre qu'il y en a. Ah, Zopiclone. C'est le générique. On est pas mal. C'est un somnifère. Thé, comme. Qu'est-ce qu'on met dans thé? Je sais. Bah, du thé mestin, du tranxène. Bah oui. Non, bah, c'est les... non, c'est les génériques. Ouais, d'accord. Voilà, tertian. Tertian. Bon, les nouveaux antidépresseurs, je dirais qu'il y a un petit progrès qui est fait à ce niveau-là. Ceci dit, c'est quand même des médicaments assez... qui sont plus toxiques que le laboratoire ne veuille bien le dire. Patrick Chemla, psychiatre au centre Artaud. Beaucoup de patients ici peuvent en prendre. Parce que c'est quand même dur de vivre une existence psychotique. Et dans la... Voilà, bon, d'accord, il y a le centre Artaud, mais il y a pas, c'est quand même. Et puis d'être psychotique, ça rend triste quand même, et de le savoir. Oui, c'est pas une exemple. Tout ce qui explique tout de suite en faisant la fête tout le temps à Saint-Alban, parce qu'il se rend compte que les patients et les soignants aussi deviennent tristes. Je suis un grand chanteur. C'est combien de temps en appartement thérapeutique? 5 ans. 5 ans quand même. 5 ans. Parce que j'avais pas d'argent. Ça, j'étais malade tellement, mais j'avais pas d'argent. J'économisais pour avoir mon appartement avec personne. Et depuis, oui. Et après, à Villejuif, j'ai vu qu'il y avait une partie de militarisme qui faisait une création pour le social. J'étais tellement ému que je me suis engagé totalement à être militant. Cette partie, j'étais là aussi, dans mon concession humaniste, dans le monde pour la folie, parce que j'étais un fou. Si on est dans la célébration d'origine et qu'on garde, comme dans un sanctuaire, des concepts fondamentaux de Tosquelles, de Houry, de Bonafé, etc., on est foutu. Il faut absolument tout le temps réinventer sa pratique et la théorie de sa pratique. Qui vient ici, en fait ? Sur le CATTP, il y a à peu près 250 patients qu'on suit. Sur le CMP, on est à plus de 3000 patients, entre 2700 et 3000 patients sur l'année. Aurore, psychologue au centre Artaud. Alors c'est aussi bien le SPIP, donc les conseillers en insertion et probation après des séjours en prison pour des obligations de soins ou pour des soins tout court. C'est l'aide sociale à l'enfance, c'est les écoles qui alertent sur un parent en difficulté, c'est quelqu'un qui crie très fort dans la rue et qu'on accueille parce qu'on l'a entendu et on lui propose de venir parler au troisième. Voilà, ça peut être... Par exemple, quand j'ai démarré, on va rencontrer Gentis en 80. C'était, il écrivait des best-sellers, Les murs de l'asile, c'était vendu à 100 000 exemplaires. Hein. Il y avait des rassemblements d'infirmiers psychiatriques où il y avait 1500 personnes, c'était à l'époque post-mai 68. Alors il était à prendre les patients dans ses bras, les caresser... Il pratiquait les thérapies corporelles. Et alors moi, je vois ça. Moi qui étais complètement coincé, on m'avait appris la distance thérapeutique et machin. Je le voyais caresser les patients et les patientes, balancer des blagues de cul très tranquillement avec tous les patients. Il se passait aucune catastrophe. Bon. Donc il y avait le concert Rock Against Asyl. J'ai même pensé que c'était pas des vrais malades, quoi. Tellement c'était époustouflant. Et on revient de là, on va faire pareil, quoi. Et j'ai pas réalisé qu'il allait me falloir 20 ans pour que ça commence. Ça a été très long. Qu'est-ce qui va se passer, Patrick Chemla, quand vous allez prendre votre... Vous allez quitter ce... Ah, la grande terreur, c'est que tout s'arrête. Bien sûr. C'est-à-dire que en ce moment, on est dans une période de grand péril. Donc là, on a une courte période que je vais essayer d'utiliser jusqu'à la fin de l'année pour obtenir au moins des gages. Mais une fois que je serai plus en position de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question angoissante. Il rentre dans la bouche de l'hôpital psychiatrique. Il rentre vraiment dans la bouche de l'hôpital psychiatrique. Et vous, en tant que parent, je peux vous montrer, je fais des lettres à la main. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous, machin? Ça sert absolument à rien. Je l'ai vu au bout de 17 jours d'isolement. 17 jours. Alors après, c'est dans les livres qu'on trouve. On se dit que l'isolement, bah, c'est bien, ça les pose, ça les... 17 jours après, j'ai été à la chambre 27, en passant Drin Drin, parce que c'est des services fermés, passé devant un petit aquarium, donc les trois dames qui font du machin, là. Après 15 jours, pas le droit de sortir dans le parc, donc on tournicote dans la salle de télé, qui gueule. Des gens qui sont sur une terrasse en train de cloper tant qu'ils peuvent, les pauvres, ils n'ont rien à faire. Et c'est quand même ça, hein. Là-bas, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. L'avènement dit des neuroleptiques ou la chimiothérapie en psychiatrie, ça change beaucoup de choses et en même temps, ça change rien. Non, c'est là, tout droit à droite. Ouais, c'est le préfet qui nous a mis. Vous vous baladez ? Vous fumez une cigarette ? Oui. On va faire quoi de plus ? Une routine, c'est le bordel déjà. Ouais. Respirer un peu, le parc fait du bien. Ouais. Et là, il nous chute aux médicaments et tout. Oh, des dosages de chevaux, de la kétamine presque. Ouais. Mais c'est un truc de fou, c'est tous les mois, vous vous rendez compte ? Quand ils m'ont dit, je vais vous mettre un traitement, je vous fais une piqûre, vous viendrez tous les mois. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire là ? De qu'est-ce qu'ils mettent dans le corps là ? Tous les mois ? C'est-à-dire le machin qui te met, tu injectes, il dure tout le mois dans le corps. Ça devient un organe quoi. C'est hallucinant. Hein ? Et après, ça sera une tous les 4 mois. C'est-à-dire, on fait encore une piqûre encore plus puissante. Tous les 4 mois. Mais le plus, c'est que des fois, ils t'obligent à le faire. Quand ils prennent une tierce personne, là, quand l'hôpital elle devient tes parents, tes tuteurs, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Hier, c'était le plus beau hier. La dame, elle dit, mon traitement, je le sens plus, je préfère l'autre. C'est ce qu'elle lui dit. Elle vient, la dame, alors là, elle m'a pas rassuré du tout. Hein. Elle revient, elle lui dit, mais monsieur, vous avez tout à fait raison. En fait, on s'est trompé, il est mieux l'autre. Putain, mais on parle de bonbons, on parle de vraiment sérieux. On est chez Haribo ici ou on est où? Ça change beaucoup de choses dans la mémoire des soignants. On a l'impression qu'il y a un avant, un après. Ils nous disent, ouais, ça y est, une fois que les neuroleptiques sont arrivés, les dortoirs étaient calmes. Hervé Guillemin. L'institution a changé. Historien. Bon. En fait, pour moi, le changement est antérieur à la chimiothérapie. Les psychiatres, on les appelle comme ça à partir du début du XXe siècle, vont être à la recherche de modèles de cure différents. Et le moment où ils vont enfin se considérer comme des médecins comme les autres, parce qu'ils ont quand même un sacré complexe, hein, les aliénistes au XIXe siècle, et les psychiatres encore aujourd'hui de temps en temps. Le grand basculement, c'est l'entre-deux-guerres, le moment où on commence à avoir ce qu'on appelle une thérapie biologique, du genre un paludé, donner la malaria aux patients. Ça commence dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on on file le paludisme à un patient en le mettant en contact soit avec un insecte, soit avec du sang de quelqu'un qui a déjà le paludisme. Pourquoi ? Pour lui filer une fièvre de cheval pendant des jours et des jours. Et ça marche. Ça marche, mais en fait, sur une seule catégorie de patients, sur ceux, en fait, qui étaient dans les asiles et qui étaient atteints de paralysie générale, c'est-à-dire qui avaient la syphilis. La phase terminale de la syphilis, en fait, l'agent de la syphilis, qu'on appelle le tréponème, vous bouffe le cerveau. Et donc, vous commencez à délirer, et donc, vous pouvez passer pour quelqu'un de complètement fou. Et donc, un tiers des gens qui étaient dans les asiles au XIXe siècle, c'était pas des fous, c'était des gens qui avaient la syphilis. Et on s'aperçoit que la malaria-thérapie, ça marche sur ceux-là. Et après, bah, comme ça marche sur ceux-là, bah, on va l'essayer sur les autres. Là, ça marche pas sur les autres. Donc, ça marche. Et là, les psychiatres se disent « Mais génial, ça y est, on arrive à guérir pour de vrai, on est un vrai médecin. » Donc, arrivent d'autres techniques qui vont utiliser, mais massivement sur tout le monde. C'est-à-dire des chocs chimiques, cardiazoliques, électrochocs, ça c'est la fin des années 1930. Ça marche super bien, là aussi, sur une catégorie de patients, hein, des grands mélancoliques, ça marche très bien. Et puis, bah, il y a ceux qui résistent, souvent les grands psychotiques et notamment les schizophrènes, sur lesquels on va utiliser massivement la psychochirurgie, ce qu'on appelle plus vulgairement la lobotomie à la fin des années 40. Donc, là, quand arrive la chimiothérapie, les neuroleptiques, d'abord, ça se met en place très progressivement. La chimiothérapie, c'est 1952, mais en fait, ça va être vraiment fin des années 50, début des années 60, où là, ça va être utilisé vraiment massivement et ça va être, en fait, ça va permettre de faire sortir massivement des gens avec leurs médicaments. Sauf que, évidemment, si vous faites sortir un patient avec des comprimés à prendre chaque semaine, il redevient libre de prendre ou pas son traitement. Et donc, on assiste à un autre challenge. Comment on fait pour travailler ensemble la sortie de l'asile et le respect du soin médicamenteux ? Là, c'est un gros problème qui n'est pas encore tout à fait résolu aujourd'hui, même si aujourd'hui on utilise une technique inventée précisément pour pallier ce problème dans les années 70, c'est l'injection retard. On file une injection à quelqu'un, ça dure un mois, c'est comme l'insuline, c'est comme la pilule, ça se diffuse lentement, Et alors après, bah, si la personne ne vient pas au rendez-vous pour son injection, bah, on peut faire, comme aujourd'hui, une obligation de soins. Ah non, le médecin, je l'ai vu la semaine qui précédait son transfert à l'hôpital de jour. Mais tout ça, ça a été décidé sans moi, parce qu'il faut savoir que sur ces hospitalisations-là, il y a le juge des libertés qui intervient. Mais le juge des libertés, si vous voyez qu'il m'a vu, non, faut pas rêver. Alors, c'est Tom, il l'a vu 3 fois, et c'est le juge des libertés qui dit, oui, bon, maintenant vous êtes libre, parce que c'est quand même ce vocabulaire, hein. C'est vous êtes libre, c'est pas. C'est ça qui rend fou. La folie avait été un objet politique au Moyen-Âge et à la Renaissance. Au Moyen-Âge, il y avait d'une part tout ce que Foucault pointe dans l'histoire de la folie, les nefs des fous, les choses comme ça. La manière de traiter socialement la folie par les mariniers. Emmanuel Venet, psychiatre. On confiait les fous à des mariniers pour qu'ils les emmènent, les fous les plus turbulents. Et on peut penser que ceux qui s'amendaient restaient des équipiers, et puis ceux qui s'amendaient pas, ils avaient des accidents, je pense, ils tombaient un peu à l'eau, quoi. Et puis il y avait le traitement spirituel, religieux, on va dire, qui consistait à brûler les fous qu'on considérait comme possédés, comme dangereux. Alors, au XXe siècle, il y a eu, disons, un intérêt porté sur la place du fou dans la société, et non pas la place de la folie dans le corps. On observe maintenant donc un retour à une sorte de 19e siècle où l'autopsie, bien évidemment, est remplacée par l'imagerie fonctionnelle. Alors, ce sont des progrès fantastiques, je ne le conteste pas, hein. Mais ça reste extrêmement grossier, heureusement d'ailleurs. Ça modifie profondément les pratiques. Le lieu de la maladie mentale, c'était le cerveau. Et puis, au XXe, ça s'est ouvert, alors je pense sous l'effet de la psychanalyse, et puis surtout sous l'effet du traumatisme de la Deuxième Guerre, peut-être de la Première, mais surtout de la Deuxième Guerre, où il y a eu une remise en cause très importante de l'ordre asilaire, hein, de l'approche asilaire de la psychiatrie. À ce moment-là, il y a eu vraiment une volonté très forte dans le mouvement des aliénistes de faire du lieu de la folie l'espace politique. On peut tous devenir fous. Vous savez, on nous ressasse toujours cette histoire de différence, respecter la différence. Mais en fait, moi, ce que je crois, c'est que c'est surtout la similitude qui fait peur. Parce qu'on sait que face au fou, le plus fou, on se dit, même si on ne se le dit pas, on l'a présent dans l'inconscient, c'est que on peut être comme lui un jour. Et que finalement, il n'est pas si éloigné de nous. J'aime bien la parole de Benedetti qui dit, Gaetano Benedetti qui dit que la folie c'est une façon d'être un homme. Et Uri Toskia, c'est ça le fond. C'est-à-dire qu'en fait, le fou appartient à l'humanité et donc la folie n'est pas une pathologie, une maladie comme les autres. Elle est une façon d'être de l'humanité. Une façon d'être douloureuse, avec de la souffrance souvent, mais elle est une façon d'être de l'humanité. C'est pas simplement une question d'école. Il n'y a pas ceux qui croient en la biologie et ceux qui ne croient pas en la biologie. Il n'y a pas les psychanalyses d'un côté et les neuro, je ne sais quoi, de l'autre. C'est une affaire politique aussi. C'est-à-dire que la conception dominante de la folie, qui est une conception scientiste, c'est une affaire politique. Parce que ça permet de gérer des populations. Parce qu'en fait, on chosifie le patient. Dans la situation actuelle, le psychiatre, c'est un expert. Et là, face à lui, il a même pas un malade. Il a une maladie, il a des symptômes, il a des troubles qu'il faut éradiquer. Et donc, à un moment donné, la personnalité, la personne n'existe plus. C'est le DSM, la personne n'existe plus. On abandonne le soin. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement déshumanisé, on a tellement chosifié, qu'on crée des exclus, on crée des souffrances. Et on abandonne tous les grands idéaux qui avaient été ceux de faire entrer dans la société les gens qui méritent de rentrer dans la société, mais qui doivent être aidés. Oh, corps putréfié, je suis l'âme dolente. Lève-toi sans attendre, car nous sommes damnés. Et tout le problème de la crise de la psychiatrie tient peut-être en cela. Au début de mes études, j'ai fait de l'urgence générale Et j'ai beaucoup aimé l'urgence, je dirais comme les jeunes médecins. Ouais. Peut-être secourir, être efficace rapidement. Aux urgences du Vinatier. Et en fait, à partir des années 2014, vraiment, il y a eu un virage lié à la suppression des lits sèches, comme ça, dans l'hôpital, sans un travail sur l'alternative à l'hospitalisation. Nathalie Giloux, psychiatre et chef de service au Vinatier, CMP de Villeurbanne. Et ça a eu un retentissement direct sur les urgences de l'établissement, avec une montée en charge des hospitalisations et une impossibilité de trouver des issues favorables en aval. Il n'y avait pas de lit d'hospitalisation et pour autant pas plus de dispositifs alternatifs à l'hospitalisation. Ça a été une période extrêmement éprouvante, mais je dirais plus que ça, honteuse. Pour vous dire, hein, à l'époque, il y avait 11 lits hein, d'hospitalisation dans les urgences, alors qu'ils étaient occupés parfois plusieurs fois par jour, mais on montait jusqu'à 30 personnes hospitalisées pour 11 lits. Des gens sur les brancards, sur des lits d'appoint, hospitalisés dans les bureaux. Et là, c'est plus possible et on n'est pas en temps de guerre. Parce que vous imaginez que quand on rentre aussi à l'hôpital psychiatrique, on rentre parfois sous contrainte. Et c'est d'ailleurs la moitié des hospitalisations qui sont sous contrainte, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord pour venir à l'hôpital et les accueillir dans ce climat de promiscuité, de tension et de crise, c'est totalement délétère et ça compromet d'emblée l'alliance thérapeutique. Ça fait détester l'hôpital aux gens qui arrivent pour se faire soigner contraints. Ça, je me souviens qu'aux urgences, on avait beaucoup développé cette façon de faire. Quels sont les mots qu'il faut dire aussi, le ton qu'on emploie, la réponse qu'on donne aux insultes, comment on répond, et comment on réagit à la violence, et puis aussi comment on observe et on contrôle nos contre-attitudes, parce que des fois, on est malmené, et comment on réagit, comment on sort aussi du champ de l'intervention si on n'en est pas capable et si on se sent agressif et pas thérapeutique. C'est alors après, j'ai pas tenu, pour vous dire, je n'ai pas tenu et j'ai posé ma démission. Je me suis pas écroulée, j'ai décidé de partir et nous sommes sur les 6 médecins qui exerçaient, nous avons été 5 à partir. Madame la ministre, chère Roselyne, monte avec nous, chère Roselyne. Monsieur le président du Conseil général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le préfet, c'est la première fois qu'un président de la République rend visite au personnel d'un hôpital psychiatrique. Je n'en tire aucune fierté personnelle. Je considère que faisant cela, je ne fais que mon devoir. La stigmatisation de la psychiatrie, elle est, si je puis dire, populaire, parce que la psychiatrie fait peur, les maladies mentales font peur, elle est politique. Daniel Zaguri, psychiatre. Aucun homme politique n'a intérêt véritablement à défendre et soutenir la psychiatrie, il n'y a aucun gain électoral à en tirer. Par contre, l'instrumentalisation de la question sécuritaire, ça, oui, ça peut rapporter des voix. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy. Alors, elle est économique. La psychiatrie, de toutes les spécialités médicales, est celle qui a le plus souffert dans les économies et dans les restrictions budgétaires de ces 30 dernières années. Alors, ça n'est que très récemment qu'il y a eu des campagnes de presse autour de l'état catastrophique de la psychiatrie française. Sinon, quand est-ce qu'on parle de la psychiatrie ? On parle de la psychiatrie quand un malade mental tue un malheureux dans la rue. La loi de 2011... c'est une loi qui a été imposée à la suite d'un fait divers dramatique, le fait divers de Grenoble. Un étudiant a été poignardé à mort par un malade mental. Et donc, c'est à partir de ce fait divers qu'a été élaborée la loi et que sont traités aujourd'hui tous les placements sous contrainte en France. Il y a environ 800 homicides par an en France, sur ces 800 homicides, au maximum 5% sont attribuables à la maladie mentale, j'ai dit bien au maximum. Et effectivement, ce sont ces crimes-là qui font le plus peur parce qu'on ne les comprend pas et parce qu'ils sont terrifiants. Donc la loi de 2011, elle est née de ça. C'est une énorme loi bureaucratique qui a donné à l'administration tout pouvoir. Je ne veux voir que le directeur, c'est lui qui commande. Et ben après, on a vu qu'une seule idéologie, on a vu qu'un seul langage. Vous savez, cette espèce de novlangue managériale qui aujourd'hui est la langue officielle à l'hôpital. Donc comment en est-on arrivé là? Vous travaillez dans un environnement rude, établir une relation personnelle entre vos patients et vous, c'est la clé. D'abord, il y a la catastrophe démographique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 1200 postes dans le service public qui sont non occupés. Hein. Il faut quand même bien comprendre que depuis 30 ans, le seul objectif de l'État, c'est le contrôle des budgets. Donc rien d'autre n'est pensé. Au point d'ailleurs que j'ai l'habitude de dire que l'hôpital est devenu fou. Il est dissocié au sens pathologique, au sens clinique du terme. Après la grève du Rouvray, grève de la faim, on a dit, je crois que c'est l'ARS, mais les voyants sont au vert. C'est-à-dire que vous avez des soignants qui ont voué leur vie à leur vocation et qui se retrouvent dans des situations qui sont invivables et qui sont pris dans des conflits éthiques insupportables et qui se mettent en grève de la faim. Et que leur répond la bureaucratie? Les voyants sont au vert. Ça veut dire que véritablement, il faut d'abord supprimer cette loi HPST qui est une loi absolument scandaleuse qui fait qu'aujourd'hui à l'hôpital, les commissions médicales d'établissement, c'est des espèces de réunions totalement ennuyeuses. Au pas de course, il faut valider les divers protocoles qualité. L'hôpital est envahi par les protocoles et par les processus qualité. Et pendant ce temps-là, nous observons un effondrement de la qualité des soins. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un de ces jeunes psychiatres devenus vieux qui a effectivement contribué à la psychiatrie de secteur. Et j'en étais très fier. Dans le département le plus difficile de France, hein, le 9-3, j'ai vu progressivement les choses glisser vers le désastre d'aujourd'hui. Désastre aujourd'hui qui n'est pas seulement un désastre, mais un massacre, puisque c'est bien la main humaine qui l'a produit. Le new management des relations humaines, tel qu'il est produit actuellement, conduit dans le mur tous les systèmes qui concernent les relations humaines. C'est une catastrophe annoncée, donc on le voit dans les hôpitaux, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans la justice, dans tous les domaines où la relation humaine est prédominante. Et puis je crois qu'il y a le fantasme qu'ont un certain nombre de gens que on peut régler tous les problèmes de médecine, quels qu'ils soient, par la science et par la science seulement. Et on oublie que même la médecine générale, même la médecine hyper spécialisée, a besoin d'une approche, disons, psychopathologique. La science elle-même ne suffit pas à régler les questions qui se posent. Pourquoi continuer à dire que la science peut se passer de tout ce qui l'entoure sur le plan anthropologique? C'est une dénégation civilisationnelle majeure à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et je pense que ça a contaminé le champ de la psychiatrie. Et il y a beaucoup de psychiatres actuellement, malheureusement, qui pensent qu'il faut uniquement compter sur la science pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. Je sais pas, la schizophrénie, c'est curieux comme maladie. C'est vraiment bizarre. Donc je peux pas expliquer ça comme ça. C'est des voix, c'est des idées, des pensées, c'est des faiblesses. Quand nous on est faible, ça nous attaque. C'est de Benjamin. La domination du cerveau en fait, qui pense plus vite que qu'on a le temps de réfléchir. Donc, ça, c'est... Et puis ce qu'on se dit, c'est que moi ce que j'ai toujours ça dans ma tête, je me dis ils ont eu une jeunesse confisquée, vraiment. C'est une image, ça, mais je vois des jeunes, tout, et pas là, quoi. Vous voyez ? Ça, c'est... Il y a deux chemins pour entrer en psychiatrie, entrer dans la relation. Vous avez la psychiatrie de l'intérieur. La psychiatrie de l'intérieur, c'est comment on va partager le vécu de la personne, comment on va aller aux enfers avec lui, C'est Gisela Pankov qui disait ça. Comment on va aller aux enfers avec lui ? Mathieu Bellassène, psychiatre. Pour le ramener et pour créer un support un peu plus stable, un peu plus solide pour lui de vie dans son existence. Mais à partir de la relation qu'il va avoir avec nous et à partir de nous, notre interprétation, à partir de notre vécu, de ce qui lui arrive. Et aussi donc à partir de nos zones de faille. Alors vous voyez, c'est loin de la psychiatrie de l'extérieur, qui est l'autre type de psychiatrie hégémonique en ce moment, qui serait de dire on peut avoir une objectivation des troubles, des symptômes, voire du vécu des personnes. Ça, c'est toujours faux, en fait. J'ai la main qui se met à trembler, maintenant, je sais pas pourquoi. On peut se raconter qu'on est objectif, on peut se raconter qu'on fait remplir des grilles. Mais même une grille, soi-disant objective, vous allez la faire remplir par deux personnes différentes, ils vont pas remplir la même chose. Ça apparaît depuis qu'on a pris l'aldol en comprimé, en fait. Et finalement, dans nos lieux de soins, ce qui soigne le plus, c'est comment on partage notre façon d'incarner la vie, d'incarner l'existence, nous, en tant que soignants. Vous pensez que vous êtes en phase avec la réalité de manière... Je me suis demandé pourquoi j'angoissais. J'angoissais même pas de raison. C'est juste la poussière, le temps qui passe et la vieillerie. Il n'y a pas que ça, quand même. En prise avec le... le canapé. Ah non, mais le temps qui passe et tout ça. Et si on se posait tous la question de notre propre mort, de notre propre fin à toutes les secondes de notre vie, il y aurait de quoi être angoissé. Vous la posez plus souvent que la moyenne. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, je compte les secondes, des fois, les minutes, les moucherons, les microns... Et les mouches, et je compte les mouches, des fois, ça m'arrive. C'est bizarre comme vie quand même, hein. C'est avec la maladie, hein. C'est pénible. Mmh. Avec les médicaments, on a toujours l'impression qu'on va être sauvé, et puis en fait, ça soigne un mal, et puis t'en as un autre qui est aussi relou que l'autre. Les médicaments, ça permet d'entrer en relation, ça soigne pas la... Problème existentiel. Ça pourrait être comme un vaccin, comme on fait pour le Covid. Ouais, c'est ça. Pour un patient schizophrène, ce qui compte, c'est une continuité d'existence. Parce que là où il y a de la discontinuité dans son existence, de l'éparpillement, du morcellement, il faut fonder un cadre thérapeutique qui fasse continuité. Pour faire continuité, il faut une continuité relationnelle. Donc, une même équipe qui va s'occuper du patient, quel que soit son moment pathologique. C'est ça, la psychiatrie de secteur, c'est créer un support psychothérapeutique. Eh bien, elles prennent en charge une continuité. Donc le renversement qui s'est produit en 50-60 ans, si on est passé d'un moment où on crée des dispositifs pour s'adapter au mieux aux besoins des personnes, à un moment où on demande aux personnes en soins de s'adapter aux dispositifs qu'on crée. Et c'est ça l'usager au centre du dispositif qui a écrit dans tous les rapports santé mentaliste depuis 20 ans. Et... le terme qui illustre bien ça, de mon point de vue, c'est le terme déstigmatisation, qui deviendra maintenant le terme inclusion. Terme déstigmatisation, quand on vous dit il faut déstigmatiser la maladie mentale, qui peut être contre ça? Bien entendu, il faut la déstigmatiser, les gens se sentent coupables d'être malades, ils sont mal vus par la société, tout ça. Sauf que, quel est l'envers des pratiques de déstigmatisation dans ce moment santé mentaliste? C'est qu'il y a les bons patients qu'on déstigmatise, ceux qui vont un peu retravailler, ceux qui prennent bien leurs médicaments, etc. Mais pour ceux dont la folie ne se laisse pas dompter par tout cadre qu'on peut mettre en place, hein, que ce soit un cadre sympa ou un cadre disciplinaire, eh ben, ceux qui ne répondent pas aux attentes, eh ben, il leur reste les dispositifs de ségrégation et d'exclusion. Après, on est allé au service universitaire de remédiation, qui est, voilà, de Nicolas Franck, à Vinatier. Et là, ça a été, on s'est dit, formidable. Je vais commencer un, on va voir. C'est des modules. Donc on a un blason à retenir. C'est un programme de soins. Ils font des jeux entre eux. Et trouver en fait une stratégie de comment on peut retenir. Donc il y a une forme du blason. Il y a la couleur de fond et il y a un logo éventuel en fait à retenir. C'est une kiné cérébrale, la remédiation cognitive. C'est pour restaurer les cognitions du cerveau. Et là, il est super en lien avec eux. Et on en est là. Et il a une vie très organisée. Il a son petit appartement. Il se fait manger. Il voit quelques copains. Le jaune, parce que je sais pas, c'est du sable et il tombe dans le vide parce que c'est noir. C'était le... Nicolas Franck, on est à quel endroit ? Là, nous sommes donc au bâtiment 417 du centre hospitalier de Vinatier. Ce sont les bureaux, la bibliothèque du pôle centre rive gauche et le centre ressources de réhabilitation psychosociale. L'idée de ce centre étant de pouvoir apporter des éléments sur les pathologies mentales en faveur d'une déstigmatisation. Donc ça se base sur une meilleure connaissance de la maladie pour la population générale. Donc ce sont des contenus très simples pour la population générale, pour les personnes concernées par les troubles, pour leurs proches et aussi pour les professionnels évidemment. C'est-à-dire que la personne passe aux urgences. Aux urgences, on va essayer d'éviter au maximum toutes les mesures de contrainte. Parce que c'est vraiment quelque chose qui laisse des séquelles. Donc il faut absolument tout faire pour éviter l'isolement et la contention. Donc la crise, elle ne se gère pas forcément par des murs et des liens. Évidemment, il y a bien d'autres moyens de le faire. Il y a des pays qui n'utilisent pas du tout, parce que c'est interdit, l'isolement et la contention. En France, c'est en train de devenir interdit, simplement parce que c'est traumatique. Et on a un document qui s'appelle le plan de suivi individualisé, qui est très bien fait pour ça, avec l'état actuel de la personne, ses difficultés actuelles, son objectif de vie, les obstacles de santé qui s'opposent à son objectif de vie. Et puis une autre colonne très importante, les moyens thérapeutiques qu'on va mettre à sa disposition pour que la personne puisse surmonter les obstacles. Mais vous voyez, ça la met au centre de sa prise en charge. On vise des hospitalisations brèves, de 3 semaines au maximum, avec la constitution de ce PSI, ce plan de suivi individualisé, dans ces 3 semaines. Après, elle sera prise en charge en ambulatoire, soit en consultation sur ce qu'on appelle un centre médico-psychologique, soit par une équipe mobile qui ira la voir à domicile. Plutôt que de vouloir réduire les symptômes, on veut leur permettre de réussir leur vie. En fait, c'est une approche centrée patient. La nouvelle tendance renverse complètement les choses. La maladie, le patient et son entourage n'en sont plus du tout responsables, c'est la loterie génétique. C'est l'hypothèse qui sous-tend. En réalité, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a des suspicions sur des gènes qui pourraient être impliqués dans les troubles schizophréniques, dans les troubles autistiques. Mais pour l'instant, on a une connaissance de ça qui est extrêmement parcellaire. Et il me semble qu'en toute logique, plus on en saura, plus on mesurera notre ignorance en matière de corrélation entre la génétique et la clinique. Bon. Mais en tout cas, les patients, ils sont les victimes pures de la loterie génétique. Mais en revanche, maintenant, ils sont responsables de leur traitement. C'est plus l'institution qui dit « nous, on s'en occupe, on est là ». Non, ils doivent être proactifs, ils doivent faire des démarches, ils doivent prendre en main la question de leur empowerment. Et là, c'est là que se cache peut-être le coup de vis. C'est-à-dire, nous, on lui a donné toutes les clés pour qu'il aille mieux, il s'en est pas saisi. Qu'est-ce qui prime alors, du coup, aujourd'hui ? Bon, je vais être franc, je crois que c'est l'économie. Ce qui va être privilégié, c'est de soigner peu, beaucoup de gens. Et ça, c'est une tendance extrêmement lourde. Actuellement, le Vinatier ferme des lits avec le projet tout à fait officiel de confier ses patients, les confier à des foyers d'accueil médicalisés, à des maisons d'accueil spécialisées, enfin toute la gamme des structures médico-sociales. Alors j'ai l'impression, moi, que certains collègues se mettent en ordre de bataille pour promouvoir des approches thérapeutiques ou prétendument thérapeutiques qui sont tout simplement en cohérence avec la pénurie budgétaire. Une collègue psychiatre dans une unité me disait, il n'y a pas assez de lits, mais comment vous pouvez avoir l'idée de fermer quelques lits sur une unité ? Bah oui, bien sûr, je vais les fermer, parce que je pense que plus on hospitalise les gens, plus on est délétère. C'est que si on ne change pas le système, effectivement, il restera tel qu'il est, si on ne force pas le changement, je veux dire. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, on met en psychiatrie des gens qui n'ont une place nulle part ailleurs, qui ensuite se retrouvent pendant des mois et des années, parfois, et occupent des lits psychiatriques. Si on ne change pas la représentation de ce qu'est un lit en psychiatrie et l'utilité du lit en psychiatrie dans la société, on continuera à nous envoyer ces gens-là. Moi, je veux qu'on ne puisse plus nous les envoyer. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens ? Moi, je pense qu'il faut nous recentrer sur nos missions. C'est-à-dire, la mission, c'est soigner, c'est la santé mentale, c'est faire en sorte que les gens aillent mieux. Et puis, ces personnes-là, c'est un problème social ou administratif. Donc, il faut trouver des solutions sociales ou administratives. Mais ce n'est pas de la psychiatrie. Je suis désolé, moi, je suis médecin, je suis là pour soigner les gens. Et que mes lits soient utiles à la santé mentale de la population qui m'est confiée. Je ne suis pas là pour héberger d'autres personnes qui n'ont pas de solutions administratives. Il a un souvenir d'enfance qu'il voudrait partager avec nous. Souvenir d'enfance. Quand le Tipolev 144 a failli nous tomber dessus et qu'il s'est écrasé 20 secondes plus tard. Donc on était au Bourget avec mon père et un copain, et on regardait voler le Tupolev 144, c'est la copie du Concorde. Et effectivement, il est passé au-dessus de nous, on a senti que quelque chose n'allait pas, il a fait une sorte de ressource. Quand on regarde la population qu'on prend en charge, sur l'hôpital public, on s'aperçoit qu'on prend en charge la dangerosité, les soins sous contrainte, c'est-à-dire les formes les plus sévères et les plus difficiles, en tout cas au début. Les formes les plus dangereuses, parce que le dispositif hospitalier est équipé pour accueillir la dangerosité pathologique. Et puis, la grande misère, les gens qui n'ont plus rien. Et l'hôpital public est généreux, ne se pose pas de questions. Quand quelqu'un arrive, il est pris en charge. On ne demande même pas sa carte de sécu, d'ailleurs, aux urgences. On prend en charge tout le monde. C'est après qu'on se pose la question, mais on ne commence pas par regarder quels sont leurs moyens. Éric, je pense qu'avec tout ce que tu as dû souffrir avec ces histoires-là, ton avion qui s'écrasait à côté de ton lit quand tu étais bébé, enfin, je pense que ça dérive un peu, mais ce qui me paraît important, moi dans ma pratique, c'est de rencontrer les gens que je soigne. Et que ces gens que je soigne soient assurés de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est pas parfait, qui est faillible, qui est pas tout puissant, qui va pas pouvoir mettre un coup de gomme à toute leur souffrance psychique, mais quelqu'un qui va répondre de ses décisions thérapeutiques, qui va répondre de ses choix, et qui va être accessible à aussi la négociation, puisque le soin c'est une diplomatie, c'est quelque chose enfin qui demande vraiment beaucoup d'implications de l'humanité de part et d'autre. Je ne compte plus le nombre de gens qui sont incapables de me dire le nom de leur psychiatre. Qui c'est le psychiatre qui vous soigne? Je ne sais pas. Donc cette dimension de la rencontre, cette dimension de relationnelle, elle est en train de s'altérer de manière considérable et c'est vraiment consternant. Vous êtes content d'être bientôt en retraite? Oui, je suis ravi. Et puis, je suis content de partir du Vinatier. J'ai demandé ma mutation, je pars dans 2 mois à peu près. Après 40 ans, vous voyez, c'est... Mais j'en peux plus d'être ici, là. J'en peux plus, il n'y a plus d'oxygène. Et puis, me remettre en question, surtout, quoi. Voir que, finalement, c'était moi qui avais un réel problème et pas tout l'ensemble, à la fois, des gens, du système. Et prendre conscience de ça, de sa part de folie, j'ai envie de dire, c'est pas rien. Et maintenant, à partir de là, on se dit, bon, comment on fait? Ça fera bientôt 3 années, 3 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. Le destin de la psychiatrie. C'est à cause de si elle est là, seulement voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. Avec Patrick Chenla, Nathalie Gilou, Aurore, Guillaume, Humut, Anaïs, Fred, Mathieu, Sébastien, Benjamin, Mathieu Bellassène, le Centre Artaud, les membres du journal et tout du CATTP d'Anières, la radio sans nom, Colifata France et Alfredo Oliveira, les patients du Vinatier, Pierre Delion, Nicolas Franck, Mélanie Trichant, Daniel Zaguri, Patrick Coupchou, Odile Lucier, Hervé Guillemin, Emmanuel Venet et la fanfare du Centre Artaud. Extrait du film « Les heures heureuses » de Martine Derès. Lecture des textes Aurélia Petit. Merci à Marianne Bowie. Merci à la documentation de Radio France. À Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son Benjamin Thuot, Laurent Macchietti, Jean-André Giannichini. Mixage Bernard Laniel, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Avec des doigts qui chantaient. Encore les blouses blanches. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en remontant le temps, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Avec les fous. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, infirmiers, les garde-fous de la psychiatrie. Non,